Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Eh bien, comme nous l'annonçons, il s'agit d'une rencontre qui va être constituée le corps même de notre émission. Alors Marc, tu as rencontré un auteur qui s'appelle Fernando Clemo, c'est ça ? Voilà. Où l'as-tu rencontré ? Alors c'est un auteur espagnol que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans un lieu de la culture espagnole à Montpellier, l'Hispanothèque. Hein, nous étions avec un groupe de lecteurs et nous rencontrions cet auteur et puis il m'a accordé un entretien avant la rencontre plus conviviale, accompagné de son agent littéraire. Hein, donc vous allez entendre parler aussi un peu de ce que c'est qu'un agent littéraire, Sophie Savary. Voilà, son roman Polaris. Polaris aux éditions Actes Sud. Voilà. Donc c'est une rencontre que j'ai eue avec lui au mois de novembre. Qui est traduit par Claude Bléton. Claude Bléton, qui est le traducteur de Polaris, premier roman de Fernando Clemo, publié en France. Voilà, mais on va se mettre dans l'ambiance tout de suite. Voilà, un climat de plausé avec cette symphonie qui est l'évolution d'une musique pour un film d'un compositeur anglais, Ralph Vaughan Williams. Une symphonie Antarctica, puisque Polaris se passe dans les eaux glaciales de l'Arctique. Mais d'abord, rencontre avec Fernando Clemo et son agent littéraire, qui sera aussi, pour cette occasion, notre traductrice. Bonjour Fernando Clemo. Donc, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Fernando Clemo pour notre émission. Alors, nous sommes dans un lieu particulier, nous sommes à l'Hispanothèque de Montpellier, un lieu qui défend la littérature espagnole, qui promeut la littérature espagnole. Et Fernando Clemo, qui vient de publier donc, Polaris, aux éditions Actes Sud, c'est sorti il y a quelques semaines. Il y a d'autres livres qui ont été publiés auparavant, on va en parler. Et qui est accompagné, il n'est pas venu seul, il est accompagné de son agent littéraire, Sophie Savary. Alors, on va peut-être commencer par ça. C'est pas fréquent d'avoir un écrivain qu'on reçoit avec l'agent littéraire. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le Sophie Savary, que ce métier d'agent littéraire ? Agent littéraire, c'est un métier de passeur, surtout quand on est agent international, comme je le suis surtout. Je travaille surtout avec des auteurs espagnols ou de l'ère hispanophone. Et mon travail, ça consiste essentiellement à faire connaître les auteurs espagnols en France, leur trouver un éditeur, qu'il soit traduit et qu'il soit publié, et ensuite suivre leur œuvre et en général, tous les aspects administratifs aussi du suivi d'une œuvre. Mais c'est à la fois un travail de passeur et un travail d'accompagnateur de l'écrivain. Habituellement, c'est les éditeurs qui le font en France plutôt, je crois. C'est quelqu'un chez l'éditeur qui joue plus ou moins ce rôle. Non, il y a non, pas non. Beaucoup d'agents en France, on n'entend pas parler d'agents littéraires, alors qu'en Espagne ou dans les pays anglo-saxons, c'est une pratique très courante. Oui, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'agents et il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui ont un agent. En revanche, les livres étrangers entrent en France aujourd'hui beaucoup par des agents. Précisément parce que ce sont les agents étrangers qui rencontrent les éditeurs français et qui leur font connaître les livres. Donc beaucoup, beaucoup de livres entrent en France par les agents, mais qui ne sont pas nécessairement des agents français. Il y en a quand même, hein. On est au moins une bonne petite vingtaine d'agences. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquent en France que dans tous les autres pays du monde. Bien, alors, voilà, donc parmi les écrivains que tu représentes, Fernando Clemo. Alors, Fernando Clemo, si j'ai bien pris mes notes, vous êtes né en 1970, cela. Alors, on vous découvre aujourd'hui en France avec Polaris, mais il y a déjà plusieurs ouvrages qui ont été publiés en Espagne. On va les évoquer rapidement. Ça a commencé en 2009 avec un premier roman, El Golfo de los Poetas, hein, mm-hmm. Le golfe des poètes. Alors, il y a un personnage, c'est un personnage qui est sur les traces d'une poétesse morte il y a 30 ans plus tôt, c'est cela. Hein, et puis, il y a déjà tout un travail sur la mémoire, mm-hmm. d'après la façon dont vous présente votre éditeur. Hein, sur la subjectivité de la mémoire et comment ça vient perturber la réalité. Et puis il y a tout un enchaînement d'histoires, une histoire qui amène une autre histoire, qui mmh. en amène encore une autre. Hein, alors j'ai découvert que vous aviez élaboré un concept, puisque vous êtes aussi théoricien de la littérature, des conceptos bisagra. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est conceptos bisagra? Bueno, hablo yo primero. Conceptos bisagra para mí sería, bueno, ¿cómo podemos acceder a la memoria? Por el concepto bisagra, eso, ¿eh? Mm-hmm. Bisagra, donc le concept charnière, c'est la façon dont on peut accéder a la mémoire. Sí, generalmente a la memoria, la memoria está oscurecida. No recordamos ni el 10% de todo lo que nos ha ocurrido. Habitualmente la memoria, elle est obscure, on ne se souvient pas de 10% de ce qu'on a effectivement vécu. Y muchas veces accedemos a estas partes oscurecidas de la memoria a través de un objeto, de observar un objeto, un olor, un momento. Bien souvent on accède à ces parties de la mémoire avec un objet. Qui peut être, oui, un objet ou une odeur. Bueno, esto es muy, sería un concepto parecido un poco, no sé, el Proust, ¿no? La Magdalena de Proust, sería un poco un desarrollo de ese concepto. Finalement, c'est un concept qui pourrait être proustien, quelque chose comme la Madeleine de Proust, et qui est comme un développement de ce concept proustien. Sí. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Polaris, sous une forme un petit peu différente. Alors, on va continuer à avancer dans l'œuvre. Donc, 2009, il y a eu un premier roman, mais il y a aussi un premier recueil de cuentos, comme on dit en espagnol, de nouvelles, non, on dirait. Estancos del Chado. Alors, pareil, votre éditeur dit de façon intéressante, c'est une tentative d'appréhender le passé à travers le langage, verbaliser les peurs, les angoisses, pour mieux les conjurer. Je l'ai noté en espagnol, mais pour la radio, c'est dit en français. Hein, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité pour vous, autour de bueno, ce cours ici. Este libro, Estancos, yo le tengo mucho afecto, porque creo que realmente es el que, bueno, hizo que accediera a editoriales literarias. Il aime beaucoup ce livre, Estancos, qui signifie bureau de tabac, parce que c'est finalement avec ce livre qu'il a accédé au monde éditorial. Sí, este libro le tengo cariño porque fue un libro que en principio autoédité. Au début, il a en fait lui-même publié ce livre. Y bueno, por suerte accedió a un premio muy importante, que es como el premio que da el Ministerio de Cultura, el mejor libro de cuentos del año. Donc il a eu la chance d'avoir un prix important, un prix, le prix c'était Nil, Sí, el premio Setenil. qui est un livre, un prix qu'on peut considérer comme celui le plus important du ministère de la Culture pour le genre nouvelle. Sí, y era la primera vez que ocurría que era un libro autoeditado. Y creo que incluso el jurado no sabía que era un libro autoeditado, sino igual no me lo dan el premio, no sé. Creo que fue bueno, un acontecimiento feliz. C'était la première fois en fait qu'il donnait ce prix à un livre qui était auto-édité. Peut-être que même s'ils avaient su qu'il était auto-édité, ils ne lui auraient pas concédé ce prix. Mais finalement, ça a été un événement plutôt heureux parce qu'il a eu ce prix. Bueno, respecto al tema de la memoria, yo creo que todos los libros que he escrito hablan de la memoria. No tengo otro tema. Hasta ahora no tengo otro tema y creo que es un tema que puede dar para una carrera literaria entera. En ce qui concerne la mémoire, en fait, c'est effectivement un thème que l'on trouve dans tous mes livres. Finalement, c'est peut-être presque mon unique thème et qu'on peut développer jusqu'à l'infini. Sí, yo creo que bueno, el funcionamiento de la memoria es totalmente desconocido. No sabemos cómo funciona la memoria. En realidad, yo a través de lo que escribo intento mostrar a través de literatura, a través de ejemplos, posibilidades de funcionamiento de la memoria. Finalement, le fonctionnement de la mémoire, on ne le connaît pas très bien. Et ce que j'essaye de faire en écrivant, c'est essayer de comprendre et de montrer un peu quel est ce fonctionnement de la mémoire. Quizás no desde un punto de vista evidentemente técnico, desde un punto de vista biológico, pero quizás sí desde un punto de vista de literatura o cerebral o filosófico. Yo creo que quizás es una forma de buscar también un concepto, ¿no? La memoria, cómo funciona, porque creo que es un funcionamiento completamente. Es más difícil seguramente llegar al funcionamiento de la memoria que ir a una estrella lejana. Peut-être du point de vue, certes technique, biologique, mais aussi du point de vue intellectuel, du point de vue cérébral, essayer de comprendre un peu les fonctionnements, les processus, de la mémoire, y accéder. Et peut-être que c'est au moins aussi difficile que d'atteindre une étoile lointaine. Alors, bah, vous parlez d'étoiles, ça peut nous amener au titre suivant. 2011, donc là, avec déjà un prix dans la poche qui a dû aider à la publication, El Libro de las Maravillas, le livre des merveilles. Alors, on ne sait pas s'il y a une référence à l'ouvrage célèbre de Marco Polo, voilà. Hein, où là, pareil, on a un personnage qui est en fin de vie, si j'ai bien compris, qui va récolter plein d'histoires dans l'institution qu'il accueille, et parce qu'il veut se réinventer sa propre histoire, il veut refabriquer sa mémoire. 2012, de nouveau un recueil de cuentos, Safaris Inolvidables, hein, Safari Inoubliable. Alors, on va retrouver des choses un petit peu, après la présentation, je dis, tiens, ça, on voit déjà des thématiques de Polaris apparaître, puisqu'il y a un capitaine de bateau, il y a la mort d'un capitaine de bateau. Il y a une île perdue, et ce sont des choses qu'on va retrouver dans le Polaris. 2014, alors là vous faites une pause pas dans la littérature, mais dans la fiction, avec Ça y est. un ouvrage de théorie littéraire, on pourrait dire, hein, comment armar et désarmar un relato. Comment monter et Et démonter. démonter un récit. Voilà. 2015, Polaris, dont nous allons parler plus longuement. Et puis depuis, il y a eu un autre recueil de nouvelles, La lengua de los ahogados, la langue des avocats, c'est ça? Non, la Non, langue. pardon. Non, ce serait abogado. La langue des. Du coup, je me trompe. Des noyés, de ceux qui se Des noient. noyés, voilà. Ah, la langue des noyés. Oui, c'est comme si j'avais ça avait Bueno, es intervenu. Je me suis parecido trompé. también, Si, ¿eh? abogados y ahogados, No hay tanta peut-être diferencia. c'est peut-être comparable, C'est dit-il. peut-être comparable. Sí, no, no. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a des projets de traduction sur les autres titres? Là, du coup, je me tourne aussi vers l'agent littéraire. C'est en lecture, c'est en lecture, c'est en train d'être réfléchi. D'accord. Alors, Polaris, qu'est-ce qu'on peut dire sur Polaris? Alors moi, j'ai envie de faire une première remarque, c'est que lorsque je me suis plongé dedans, il y avait quelque chose de, je dirais, doublement énigmatique. On a un personnage qui est soumis, qui est un personnage de médecin, qui est sur un navire, ça on le comprend assez rapidement, et qui est soumis à des instructions très secrètes d'une centrale. Une centrale de quoi? On ne sait pas vraiment. Donc on nage en pleine énigme. Et en même temps, vous nous donnez assez peu d'indications sur où, quand, qui. On est un peu perdu dans le temps. Et je me suis dit, on découvre les éléments petit à petit, au fil des pages, y compris le titre. On va découvrir pourquoi le titre, on est presque à la fin du livre, pourquoi le roman s'appelle Polaris. Et je me suis dit, j'ai pas lu la quatrième de couverture, et j'ai bien fait, parce que je me dis, la quatrième de couverture casse tout. Elle livre tout avant qu'on ait ouvert plein d'éléments de contexte, avant qu'on ait ouvert le livre. Alors, j'avais envie de vous solliciter, du coup, sur cette construction, comme ça, où vous donnez pas les clés au lecteur d'entrée de jeu, il va falloir qu'il les trouve petit à petit. Sí. Bueno, yo creo que quizás lo más importante dentro de lo que hemos hablado de la memoria. El protagonista es una persona que también ha perdido la memoria o está intentando recuperarla. Donc je crois que le plus important qu'il faut dire, c'est que en ce qui concerne la mémoire, dans ce livre, le protagoniste a perdu la mémoire. Y yo concebí la novela más que como una novela negra sobre un crimen o un asesinato. Más bien era como reconstruir la memoria del personaje. Donc le roman, je l'ai plutôt construit comme une reconstruction de la mémoire plutôt que comme un roman noir. Quizá en esa parte me interesaba menos cómo trazar una trama, ¿no? Buscando un crimen, la resolución de un crimen. Hacer una novela polar, ¿no? Ça m'intéressait beaucoup moins de construire une trame, de construire un crime et de finalement faire un roman de type polar. Estaba más preocupado por crear una novela de clima y de memoria, de una persona que trata de reconstruir su memoria, o aunque sea de una forma dramática, ¿no? En este caso, está reconstruyendo a través de un interrogatorio y de una forma muy dramática, pero está reconstruyendo su memoria. J'avais plutôt envie de construire une ambiance et essayer de voir comment on reconstruit cette mémoire et quería reconstruir su memoria aunque sea de una forma dramática. Ah oui, et en l'occurrence cette mémoire, elle est reconstruite sous une forme dramatique. Thank you. Yann Garbarek, Wichitaito, hein, c'est un titre bizarre. Yann Garbarek, c'est un titre qui est extrait d'un album qui s'appelle 12 Moons, donc avec notamment Manu Katché à la batterie, entre autres accompagnateurs, si je puis dire, Eberhard Weber à la basse. À la contrebasse. Très, très beau contrebassiste, Eberhard Weber. Donc une production ECM, dont on reconnaît bien l'esthétique, qui date de 1993. Et nous retrouvons Fernando Clémeau pour la suite de cet entretien. Effectivement, le thème de la mémoire revient. Je vais noter plein de passages où vous parlez de la mémoire, de ce personnage, donc le docteur Christian, tout ce qu'on s'est lu au départ. Bon, il a vécu la guerre, il a vécu un certain nombre de traumatismes. Il a du mal à parler de cette mémoire. Il dit comment elle est lourde, comment elle est embrouillée. Voilà, souvent, ma mémoire ressemble à une pièce sans désordre que je ne peux pas ranger. Un peu plus loin, vous dites, c'est un passage un peu plus long. Alors, c'est là aussi le procédé comme ça fonctionne. On a une discussion, ce qui semble une discussion, et en fait, on découvre petit à petit un interrogatoire qui dure tout le livre. Un des personnages, un des interrogateurs, lui, vous créez des liens de mémoire immédiate et vous ne cessez de retourner sur les lieux qui vous obsèdent. On dirait que vous hébergez en vous une douleur qui flambe, comme si vous la reviviez. Elle est là, n'est-ce pas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo la última palabra? ¿Cuál era? La última palabra, ¿cuál era? C'était quoi la dernière? La dernière phrase, elle est là, n'est-ce pas? Elle est là. Está aquí, ¿verdad? La douleur. El dolor. Está aquí, ¿verdad? Sí. Quería... Plus loin, il dit, voilà, c'est une blessure infectée qui ne cesse de vous élancer, qui est prête à éclater. Sí, era, a ver, el personaje central es un personaje atormentado, un personaje que está sufriendo, un personaje medicado, también es como una medicación. Pues, c'est un personnage qui effectivement a des problèmes, qui est très troublé, qui est y compris sous médicaments, hein, troublé du point de vue psychologique. Sí, y que quizás busca de alguna forma durante toda la novela, aunque sea a través del interrogatorio, de una situación límite, busca aclarar su memoria, busca aclarar sus dudas, busca saber por qué siente tanto dolor. Voilà, il essaye pendant tout le roman de trouver un peu ce qui dans cette mémoire, enfin ce qui dans son histoire lui donne tant de douleur. Il essaye de retrouver sa mémoire, de la reconstruire. Algunos son traumas de la guerra. No quería abordar la guerra. Creo que ya se ha hecho mucha literatura sobre la guerra, sobre bueno, las partes, ¿no? El mal, el nazismo, ¿no? Yo creo que ya es un tema muy, muy tratado y quería tratar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la gran guerra que conocemos, de una forma un poco lateral. Donc certains de ces traumatismes viennent certes de la guerre, mais je n'avais pas envie de traiter de la guerre comme telle. Elle a été largement traitée, la question du nazisme, etc. Donc je préférais traiter le thème de la guerre de façon un peu latérale, par des voies latérales. Sí, y entonces la situación preferí ponerla como 15 años después de, en el año 60, 15 años después de acabada la guerra, en que todavía es un recuerdo cercano, pero sobre lequel se peut faire un analyse. C'est pourquoi j'ai préféré que l'histoire se déroule 15 ans après la guerre. Ça permet d'être malgré tout relativement proche des événements et en même temps d'avoir la distance adéquate pour pouvoir en avoir une analyse. Sí. Si hubiéramos colocado en el centro de la guerra, pues sería un drama, una tragedia, pero no permitiría un análisis. Al situarlo 15 años después, permite un análisis no solo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la tragedia, sobre el terror, sobre la violencia, sino permite también un análisis sobre lo que vino después, que fue la Guerra Fría. Oui, si on l'avait mis, si l'histoire se déroulait pendant la guerre, on aurait eu certes un drame, une tragédie, mais ça aurait été très difficile de pouvoir l'analyser. Alors qu'en la plaçant effectivement 15 ans plus tard, sí, bueno, que puedes hablar también de, en este caso, de la Guerra Fría después. Ah, oui. Donc, si on la place effectivement 15 ans plus tard, on peut parler davantage de la guerre froide, et malgré tout avec tous les stigmates de la guerre, qui était la violence, la brutalité, etc. Alors, il y a cette mémoire avec ces traumatismes, il n'y a pas que ceux de la guerre. Pour le docteur Christian, c'est aussi c'est des souvenirs de son enfance, il y a beaucoup de choses qui sortent, il n'y a pas que la guerre, y compris des vieilles histoires. Mmh. Alors, c'est notamment qui sortent autour des cartes. Le personnage, moi, ça m'a touché, c'est-à-dire qui est passionné par les cartes, qui a un rapport presque physique aux cartes. Enfin, il mesure avec sa main les distances sur la carte. Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de... Est-ce que c'est une passion personnelle envers les cartes? Ou qu'est-ce qui vous a amené à donner toute cette importance aux cartes C'est une passion personnelle. En este caso, c'est effectivement une passion personnelle dans ce cas. Yo, bueno, trabajé hace unos 15 años. Yo trabajaba, bueno, dirigía una librería cartográfica. Voilà, j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années dans une librairie cartographique que je dirigeais. Y siempre me pareció que los mapas era, no sé, para mí era una pasión, era algo interesante. Era reconocer un lugar en una dimensión, ¿sabes? O sea, reconocer el aspecto físico de algo a través de un elemento que no tiene nada que ver. Es como si con esta botella quisiéramos explicar la teoría de la relatividad. Son dos elementos que no tienen nada que ver. J'ai trouvé que c'était très intéressant ces cartes où on représentait où un lieu se représentait dans une seule dimension. Sí, es como si quisiéramos representar la teoría de la relatividad con esta. Ah oui, c'est comme si nous voulions représenter la théorie de la relativité uniquement avec une bouteille. Sí, son dos objetos que no tienen nada que ver. Y en el fondo es como si el doctor Christian quisiera también elaborar un mapa de su pasado, un mapa de todo lo que ha pasado a través de las historias que recuerda, de los fragmentos que recuerda, es como si fuera un puzzle. Ce sont deux choses totalement différentes, et de la même façon, le médecin Christian veut essayer de reconstruire avec deux objets différents sa mémoire, comme si c'était un puzzle, comme si c'était, mais aussi comme si à partir d'une carte. À partir d'une carte, oui, et de lieux. Alors, tous les lieux ne sont pas connus sur la carte. Au fond, on a des petites îles. Alors, c'est beaucoup de petites îles de rien du tout. Très très petit, y compris vous êtes allé chercher des histoires, c'est très documenté, hein, cette île des esclaves perdus. Bueno. Cette île, on peut vous pouvez en dire deux mots, pour qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette île qui est dans l'océan Indien. Sí, quería colocar los personajes en un ambiente totalmente solitario. Il fallait mettre les personnages dans une ambiance totalement solitaire. Sí, me pareció que, bueno, el mejor sitio eran, bueno, las islas árticas que pertenecían a Noruega. J'avais l'impression que le meilleur lieu c'était les îles de l'Arctique qui aujourd'hui sont les îles norvégiennes. En un barco, una situación tensa, llena de testosterona. Dans un bateau. Dans une situation tout à fait tendue, pleine de testostérone. De hecho, incluso, esto bueno, no se lo tenía que contar, pero a mitad de la novela me di cuenta que había muy pocas mujeres. D'ailleurs, ça, j'ai pas forcément besoin de le raconter, mais je me suis rendu compte au milieu du roman qu'il y avait très peu de femmes. En el presente no hay ninguna mujer. O sea, en el presente de los personajes no hay ninguna mujer. Pero había algunas mujeres en el pasado. Había recuerdos que evocaban a mujeres. Dans le présent de l'histoire, il n'y a aucune femme. Mais en revanche, il y a des femmes qui certes apparaissent dans le passé. Y en ese momento decidí eliminar a todas las mujeres. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'éliminer toutes les femmes. Para con un motivo, para que estos personajes que estaban estos 42 marineros que están dentro de un barco, asfixiarlos. Quitarles cualquier tipo de referencia, cualquier tipo de ilusión, cualquier tipo de esperanza, cualquier tipo de buen recuerdo. Y una forma era quitar a las madres, a los amores, dejar un ambiente mucho más claustrofóbico si eliminábamos a las mujeres. En el sentido literario. L'objectif, finalement, c'était effectivement de laisser ces 42 marins dans leur lieu, qu'ils s'y asphyxient, qu'ils n'aient aucun plaisir, qu'ils n'aient aucun plaisir. Et le meilleur moyen, c'était de les couper des femmes, de leur mère, de leur femme, de leurs amours. De esta forma, quitando a las mujeres, los personajes quedaban mucho más asfixiados. En enlevant toutes les femmes, les personnages masculins demeurent dans leur propre claustrophobie. En una isla perdida del Ártico, sin buenos recuerdos, sin grandes esperanzas. Dans une île de l'Arctique, sans avoir de bons souvenirs, sans avoir de grandes espérances. Creabas un ambiente propicio para un ambiente lleno de tensión. Sí, eliminabas incluso la posibilidad de una vida mejor a la vuelta. Nadie recuerda, hay muy pocas imágenes que recuerden, imágenes felices que recuerden, ¿no? Y recuerdan cosas opresivas, pesadillas. Oui, je crée ainsi une situation de tension totale avec aucune possibilité de faire le lien avec des moments heureux ou des espérances de moments heureux à l'extérieur. Oui, alors, quand on vous entend, on se dit, c'est vrai que c'est un roman assez, assez sombre, il y a un climat comme ça très lourd, assez oppressant, avec. Et puis quand on sort enfin du bateau, c'est pour arriver sur des îles désertes où il ne se passe rien, ou alors où il s'est passé des choses tragiques. Hein, cette île que vous évoquez, une île française entre la Réunion et Madagascar, où des esclaves abandonnés. Et puis, ils étaient, je crois, Histoires réelles. Oui, le fait est tout à fait réel. Hein, il a été documenté, il a fait l'objet d'une bande dessinée en français, j'ai vu qu'il a été traduit en espagnol. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est bueno. Et puis il y a une exposition qui a circulé à Bordeaux, parlant de cette île oubliée, de ces esclaves oubliés sur une île. Alors, Léa, je me disais en lisant, il y a ce climat difficile, et ça m'a fait penser à des grandes traductions littéraires de voyages comme ça où. Tout se passe sur un bateau, puis de temps en temps on fait escale et c'est difficile. Alors c'est bien sûr c'est Jules Verne, et puis je me suis dit, tiens, il y a un Jules Verne particulièrement auquel ça me fait penser, c'est Le Sphinx des Glaces, qui est un roman peu connu de Jules Verne, qui est la suite qu'il a écrit, la suite des aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Allan Poe. Et puis j'ai découvert dans la revue Chimera que vous aviez écrit un article sur les aventures d'Arthur Gordon Pym. C'est un livre que je connais très bien. Il y a aussi Lovecraft. C'est un livre que je connais très bien. Alors, est-ce que ça a été ce livre-là ou d'autres, est-ce que ça a été un peu une inspiration pour vous? Sí. A mí, bueno, no sé, imagino como mucha gente, Julio Verne, Jules Verne. Es bueno, parte de, digamos, de tu infancia literaria, de tus primeras lecturas. Oui, je pense que pour moi, comme beaucoup de personnes, Jules Verne fait partie de mon enfance littéraire. Precisamente, la Esfinge de los Hielos no es una lectura que leas, porque pertenece a la última época de Julio Verne, la época más oscura, época distinta. En particulier, Le Sphinx des Glaces, ça n'est pas un roman qu'on lit habituellement. Il fait partie des romans de la fin de son œuvre. Un roman beaucoup plus obscur, de la partie plus obscure de son œuvre. Pero quizás por eso me interesaba más, por este tipo de visión menos positiva. En general, Julio Verne, la gran época de Julio Verne, es un autor muy positivo. Cree en la técnica, cree que el hombre va a ir mejor, cree que la burguesía es la solución de todos los problemas. Peut-être pour ça que ça m'intéressait davantage, cette période obscure. La grande période de Jules Verne, évidemment, est beaucoup plus positive. On croit en la technique, on croit en la bourgeoisie. Mais en fait, c'est plutôt cette période qui m'intéressait. Estos 10 o 15 últimos años tiene una visión mucho más negativa, mucho más densa del ser humano. Es cuando aparece Dueño del Mundo, la novela Dueño del Mundo, ¿sí? Maître du Monde. J'ai plus le titre français en tête. Tu chercheras. Si, je retrouverai. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaissent des œuvres comme le Maître du Monde, c'est la, les 15 dernières années. Le Castillo de los Cárpatos, la Esfinge de los Hielos, novelas. L'humour propre, Jules Verne qui avait souvent l'humour, là il se fait très très discret son humour. Mais quelque chose de beaucoup plus pessimiste, pas sombre, mais pessimiste en tout cas. Beaucoup moins optimiste que la première partie. Y bueno, ¿por qué puede parecerse a Julio Verne, a Joseph Conrad? Porque en la literatura española no tenemos ninguna traducción. No hay tradición de escritores de viajes marinos o de aventuras marinas. No tenemos ninguna traducción, ninguna tradición, porque en general la literatura española es una literatura de interior. No, y tenemos mucha costa, pero en realidad casi todas las novelas hablan del interior, o de ciudades o del interior de España. En fait, que necesitaba una tradición ajena, con Joseph Conrad. Oui, voilà. C'est ça. En fait, dans cette période, Jules Verne apparaît bien davantage à la tradition de Joseph Conrad, plus négative. Et finalement, nous, en Espagne, on n'a pas cette grande tradition de la littérature de voyage, de la littérature marine. C'est essentiellement une littérature de l'intérieur. On a pourtant beaucoup de côtes. Mais on a pas vraiment cette tradition de littérature marine. Thank you. Voilà, ça c'est le Keith Jarrett breton, Didier Skiban, hein, une musique imprégnée de mer, ce qui est tout à fait dans le thème de notre émission. Et nous allons retrouver Fernando Clemo qui va nous parler justement de la tradition littéraire et de la mer du côté de l'Espagne. Ah, voilà. Il nécessitait une tradition. En ce cas, la tradition est de fines du siècle XIX. Me parecía una tradición interesante. J'avais besoin d'une tradition, et dans ce cas-là, la tradition de la fin du 19e siècle me paraissait très intéressante. Y tanto Julio Verne como Joseph Conrad, hay gente que ha intentado comparar la novela Polaris con El corazón de las tinieblas, por ejemplo. Autant Jules Verne que Joseph Conrad ont été comparés effectivement au roman Polaris, on l'a comparé par exemple au roman Entre les ténèbres. Al ser una novela de ambiente, una novela más bien de densidad que de desarrollo de trama. C'est un roman voilà qui est à la fois très dense mais qui en même temps développe une trame, une intrigue. Voilà, alors il y aura encore plein de choses à dire sur Polaris. Moi, j'ai trouvé d'autres thématiques sur lesquelles on pourrait parler. La question de la soumission aussi. Hein. Il y a cette question de la soumission, de l'obéissance des personnages à une autorité. Et quelque chose d'un peu orwellien dans cette affaire-là. Et puis, il y a aussi la question de la dette. Ces personnages qui sont... Il suffit qu'il y ait l'humain pour qu'il y ait de la cruauté, mais... Ils vont devoir le payer, ces humains-là. La deuda. La deuda. C'est la question de la deuda. De la deuda que tienen que pagar. La gente. Bueno, de la. Vous ne formulez pas. Les personnages. Sí, bueno. Pas dans ces termes, mais. La soumission, sí. Voilà. Il va falloir payer. Vous avez fait ça, ben maintenant il va falloir payer. Le docteur Cesson va devoir payer ses. Pagar algo. Sí. Por haber hecho algo. Sí. Eso sea, lo hacía Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky hacía siempre pagar a los personajes, ¿no? Había todas las novelas de Dostoyevsky son crimen y castigo. O sea, hay una parte que se elabora un crimen y una parte en que se ha de pagar. C'est exactement ce que faisait Dostoyevsky. Il faisait payer tous ses personnages. Il y avait toujours une partie crime et une partie châtiment. Yo no sé si... Yo no creo que haga pagar a todos los personajes. Hay personajes que salen... Je ne crois pas que. No pagan. Je ne crois pas que tous les personnages payent hein, dans le roman. Non, il y en a qui arrivent à s'en sortir sans payer. Le personnage central, lui, va devoir sí, payer. C'est possible. Pero yo creo que. Más que nada, yo creo que lo principal es la reflexión que hace sobre el control, quizás, más que. ¿No? Mais je crois que le plus important, c'est surtout la réflexion qu'il fait sur le contrôle. Sobre las herramientas de control social. Que seguramente se elaboran ya hace unos 70 años, ¿no? Al acabar la Segunda Guerra Mundial. Surtout les outils effectivement de contrôle qui se sont élaborés il y a 60 ans et à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale. Ahí sería, por ejemplo, la imagen de la radio como, ¿no? Los medios. Je voulais aussi, c'était une des questions que j'avais repérées, cette radio omniprésente. C'est là que vient en particulier l'image de la radio qui est omniprésente. Sí, la radio al final, por ejemplo, intento que poco a poco la radio va desapareciendo. Igual que desaparecen las mujeres o desaparece el amor, la radio también va desapareciendo, porque era también una forma de esperanza, de evocar algo. J'ai essayé que cette radio, elle aussi disparaisse peu à peu dans le roman, de la même façon que les femmes disparaissent, puisqu'elles donnent aussi une forme d'espoir. Et peu à peu, effectivement, tout espoir disparaît. Y bueno, habla del cine también, de algunas formas de control, ¿no? Que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, de control general, también de la televisión, ¿no? Como forma de control. Ça parle également du cinéma, de la télévision, comme différentes formes de contrôle. Oui, puis là, on cherche à voir presque un contrôle des rêves, ou en tout cas savoir ce qui se passe dans les rêves pour mieux comprendre et mieux contrôler les personnes. Sí. En el caso de los sueños, como dice él, ¿no? Es una forma de intentar un control absoluto, ¿no? Si ya entramos En el sueño conseguimos el control absoluto. Dans le cas des rêves, effectivement, c'est une façon d'obtenir un contrôle absolu. Si on entre dans les rêves, alors on a obtenu un contrôle absolu. Voilà, alors tout ça, bah, c'est pas très, très riche. Moi, c'est pas très gai, j'allais dire, voilà, mais je conseille aux lecteurs, moi, de fortement ce roman, parce qu'il y a, on l'a évoqué, hein, c'est, vous êtes dans une grande tradition, en même temps, vous innovez pour l'Espagne, parce qu'il y a pas, cette tradition n'existe pas en Espagne. Et puis, bah, on a quand même évoqué des grands auteurs, que ce soit Jules Verne, que ce soit Orwell, que ce soit Conrad. Je crois que c'est un roman qui, pour moi, est bien dans la lignée de ça, et j'aimerais beaucoup découvrir les autres romans et les autres récits que vous avez écrits. Alors, vous n'êtes pas seulement écrivain, vous voyez, vous êtes aussi directeur d'une revue littéraire prestigieuse, Chiméra. Je crois que vous avez pris la direction en 2013, si j'ai ça. Quelques mots sur la revue qui a passé son 400e numéro. Une revue prestigieuse de qualité pour les lecteurs français. On va juste dire, ça se rapproche dans l'esprit beaucoup du Matricule des Anges, dans l'esprit et dans l'esthétique. Hein, et là, les derniers numéros, il y a eu deux numéros sur la littérature, nouvelle littérature sud-américaine, sur la littérature du Venezuela. Il y a eu... Bon, j'ai plus en tête tous les numéros récents. Alors, quelques mots sur cette revue. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir, je dirais, auteur et puis aussi la revue dans laquelle vous écrivez? Bueno, para mí fue una gran ilusión acabar como director de Quimera, porque cuando yo estaba en la universidad era como la gran revista española, en la época de Fernando Valls. Pour moi, ça a été vraiment un très grand plaisir de pouvoir être directeur de Quimera, parce que quand j'étais étudiant à l'université, évidemment, Quimera, c'était la grande revue littéraire, notamment la période de Fernando Valls. Era la revista en la que, en los años, principios de los años 80, pues no sé, colaboraba Cortázar, colaboraba Octavio Paz, Goiti Solo. Au début des années 80, dans cette revue, collaboraient des gens comme Cortázar, Octavio Paz, Goiti Solo. Sí, Juan Goiti Solo. Y para mí, haber accedido al final a la dirección era, bueno, también una gran responsabilidad. Lo que ocurre, las revistas literarias, esta revista nació en el año 1980. Pour moi, diriger aussi cette revue a été une très grande responsabilité. La revue a débuté en 1990. Y en ese momento, digamos que la visibilidad de las revistas literarias era mucho más grande que en este momento. A ce moment-là, la visibilité des revues littéraires était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. En este caso, yo solo, pues, no sé, me hago responsable de la continuidad de una tradición. Dans ce cas-là, en fait, je suis responsable de la continuité d'une tradition. Que es una cosa interesante porque tampoco puedes hacer grandes cambios. Cuando una revista tiene una estructura de hace muchos años, tú no puedes cambiarlo todo. C'est très intéressant parce que en même temps, tu peux aussi faire de grands changements. Quand une revue est très très ancienne, c'est plus difficile d'opérer des changements. Tienes que hacer, bueno, quizás nosotros optamos cuando entramos aquí por dar prioridad a las literaturas europeas. Par exemple, nous avons décidé, quand nous avons commencé la nouvelle équipe, de donner la priorité à la littérature européenne. Sí, ha habido otros equipos que han dado, digamos, el peso a la literatura española. Ha habido otros equipos que han dado el peso a la literatura hispanoamericana. Il y a d'autres équipes qui préféraient donner plus d'importance à la littérature espagnole, d'autres équipes à la littérature hispanoamericaine. Y otros a la norteamericana. Et d'autres, évidemment, à la littérature nord-américaine. Sí. Es una, claro, al tener una historia bastante larga, la revista ha pasado con muchas fases. Nosotros nos hemos instalado únicamente en dar cuerpo a nuestra fase, que tenga algo de personalidad. Évidemment, avec cette longue histoire, la revue est passée par plusieurs phases. Nous, on a essayé de donner une certaine personnalité. Y bueno, yo creo que la principal característica, que yo creo que se parece a la revista que hemos hablado antes, Matricule d'Assange. L'une des principales caractéristiques qui me semble être aussi celle de la revue Le Matricule des Anges. Es que no somos periodistas. Nadie de los que trabajamos en Quimera somos periodistas. No hay ningún periodista. Todos somos escritores, poetas. Nadie es. No hacemos una función periodística. C'est qu'aucun des collaborateurs de Quimera n'est journaliste. Il y a des écrivains, il y a des poètes, mais personne n'a pour métier le métier de journaliste. De hecho, en los casi 40 años de la revista, nunca ha habido periodistas en la revista. D'ailleurs, il n'y a jamais, quasiment jamais eu de journalistes durant les 40 années de vie de la revue Quimera. Ha habido profesores, ha habido escritores, ha habido poetas. Voilà, des professeurs, des poètes, des écrivains. Y no, es una revista que no tiene una vocación de actualidad. Por el tipo de funcionamiento, nosotros no estamos exactamente pendientes de la actualidad, sino que somos bastante libres. No, no tenemos una función periodística de mostrar la realidad, sino de mostrar lo que queremos. Oui, il n'y a pas vraiment d'objectif d'actualité dans cette revue. On n'a pas l'obligation d'être collé à l'actualité littéraire. On peut finalement montrer ce que l'on veut, nous sommes libres. También hay que decir que yo soy el director, el editor nos ha dado siempre una libertad total para hacer la revista que cree. Je dois dire également que moi je suis le directeur de la revue, mais l'éditeur de la revue nous a toujours donné totale liberté pour faire ce que nous voulions. Así que nos considera, bueno, yo me considero un privilegiado, poder trabajar en estas condiciones de no estar pendiente de la actualidad. Un éditeur qui te deja faire ce que tu veux, pues. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Finalement, ne pas être complètement dépendant de l'actualité, de pouvoir publier ce que l'on veut parce que l'éditeur nous laisse faire ce que nous voulons, c'est avoir beaucoup de chance. Et, bueno, espero, no sé cuánto durará más esta etapa, pero es una etapa que hemos hecho entre amigos. El jefe de redacción es la persona con la que yo hacía fanzines en la universidad hace 25 años. Je ne sais pas exactement combien de temps ça durera cette étape, mais c'est finalement aussi une étape où on travaille entre amis. L'un des collaborateurs est un ami avec qui je faisais déjà des fanzines il y a 25 ans à l'université. Sí. Jordi. Sí, Jordi. Bon, mais j'espère bien qu'on verra le numéro 450, et puis le 500, et ainsi de suite. Alors, c'est pour nos auditeurs, une revue qui est un petit peu difficile à trouver en France, mais si vous êtes sur Montpellier, Barcelone n'est pas très loin, et vous la trouverez. Et puis, vous pouvez les voir sur Internet. Hein, alors, vous avez quelques petits extraits. Quelque chose qui est très précieux pour les gens qui aiment bien lire l'espagnol en France, et les recommandations du mois... Et on a toujours un choix de livres que vous défendez ardemment. Et on peut faire de très belles découvertes de littérature, pas seulement espagnole, il faut le préciser. Et depuis peu, on peut lire des articles, des numéros antérieurs sur Internet, en allant sur le site. Voilà, oui, effectivement, j'ai vu ça tout récemment. Ouais. Ce qui, pour les Français, aussi... Bien, merci beaucoup Fernando Clément. Gracias. Et on espère vous revoir. Merci Sophie. Merci Marc. Agent et traducteur. Traductrice. Merci et à une prochaine fois peut-être. Gracias. Thank you. Alors ça, bah, c'était pour conclure notre émission, Richard Galliano, Crépuscule, et nous vous souhaitons sur ce de bonnes lectures, une bonne soirée si c'est le soir, une bonne après-midi si c'est le matin. Ah bah, si vous nous écoutez le lundi, ce sera nécessairement le soir, très tard. Et ah. Si c'est le samedi, bah, vous pouvez vous préparer une bonne sieste. C'est avant le marché. Avec un livre, bien voilà. Entendu. Et vous êtes sur Radio Clapas, 93.5. 93.5. Doucement. C'était Christian et Marc au micro, grâce à Pierre-Jean. À très bientôt.